L'actualité à Nancy et ailleurs. Movement France fête ses 10 ans, un anniversaire que l'association va célébrer le samedi 24 mai à Velaines-sous-Amans. C'est pour découvrir le programme des festivités et parler de l'association, nous avons Gaëlle au téléphone. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes trésorière de l'association. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu l'association pour ceux qui ne la connaissent pas encore ? C'est une association qui a pour objet d'accompagner la population au Burkina Faso dans des projets portés autour du développement durable et des technologies appropriées. Alors comment est née l'association ? Eh bien, elle est née d'un premier voyage en 2013 avec une autre association de solidarité internationale, mais sur l'Allemagne. Et ça m'a fait découvrir ce pays, le Burkina, et plus particulièrement la ville de Ouaïgouya où on intervient plus principalement. Donc vous êtes depuis le début de l'aventure dans l'association alors ? Tout à fait, c'est ça. Et alors aujourd'hui, vous n'êtes pas toute seule, j'imagine. Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, non. On a une équipe d'une vingtaine de bénévoles actifs sur le Grand Est et un petit peu éparses sur la France aussi. Et donc, on fait vivre l'association ici en France au travers la participation à des manifestations, festivals ou marchés pour présenter ce qu'on sait faire et des interventions au sein des écoles, des collèges, mais aussi des entreprises pour parler notamment du plastique qui est notre cœur d'activité, mais aussi de la place des femmes au Burkina, de la pollution en général et des modes de vie, des échanges et des partages qu'on fait découvrir. Le temps fort, ça va être bien sûr cet anniversaire le 24 mai. On pourra bien sûr découvrir cette association, mais pour parler un peu des actions que vous menez, vous avez plusieurs projets phares, je crois. Tout à fait, on a trois projets. Le premier, donc, sur le recyclage du plastique des poches d'eau potable qui nous permettent de créer une quarantaine d'accessoires sur place, donc via la couture et le tissage, qui permet à 12 femmes de vivre de cette activité. On a en parallèle un deuxième projet sur l'hygiène sanitaire et menstruelle avec la construction de latrines familiales, mais aussi un atelier de couture pour des culottes menstruelles et serviettes hygiéniques lavables, avec un volet sensibilisation où là aussi on a une dizaine de femmes qui œuvrent sur ce projet. Et le dernier qui est un projet autour de la plantation d'arbres fruitiers et d'agriculture avec un local de transformation des denrées alimentaires sur place qui s'appelle l'Embourou et qui particulièrement consiste à transformer le citron vert mais pas que. Et là aussi on a une dizaine de femmes actives sur ce projet. Donc tout ça sur un centre artisanal qui est entièrement écologique. Des actions vraiment très concrètes. Et ça fait donc 10 ans que l'association a été créée. Et on le voit, vous n'avez pas chômé. Et vous allez fêter cet événement le samedi 24 mai. Ce sera Velaines-sous-Amans. Alors, que nous réservez-vous ce jour-là ? Eh bien, écoutez, on a décidé de faire des animations pour les petits et les grands. Donc, ça démarre à partir de 15h sur l'espace Georges Calment, juste à côté de la salle des fêtes de Velaines-sous-Amans. Dans un premier temps, il y a une après-midi création pour faire aussi des liens entre ce que nous faisons au Burkina et ce qui est possible de faire en France en termes de recyclage, de développement durable. Donc, des ateliers autour de la création d'éponges tawashi à partir de t-shirts recyclés, des ateliers de création d'accessoires par le partenariat avec la pulperie à partir de papier mâché recyclé. Et on aura aussi l'intervention d'une vannière des Sauvageons pour découvrir la vannerie, qui est un savoir-faire aussi local et hyper intéressant pour fabriquer des petits poissons décoratifs. Et puis, de quoi animer aussi et développer la créativité pour décorer des masques africains qui seront exposés tout au long de la journée. Et puis, un espace kermesse pour les petits, pour passer du temps autour d'instruments de musique aussi et de la pêche au canard. Et puis, on aura la chance d'avoir l'association BAC qui viendra nous faire une petite démonstration de musique africaine et de danse africaine. Sur place, il y a goûter, donc restauration buvette et petite restauration aux saveurs franco-burkinabé avec jus de bissap, crêpes, mais aussi beignets africains. Et puis le soir, à partir de 20h30, le concert du groupe Bléni, qui est un groupe autour de mélanges afro-français. Et donc là, restauration aussi et buvette pour le soir avec bière locale, frites et brochettes africaines. Voilà, un programme bien chargé. En tout cas, on voit qu'on pourra participer. Il y a des ateliers, on pourra danser, on pourra manger aussi sur place. Et on pourra bien sûr échanger avec vous pour découvrir 10 ans d'engagement associatif. C'est ça. Donc, il y aura une petite exposition autour des arbres dans le monde. On aura aussi un stand artisanal où, en effet, on pourra venir découvrir ce qu'on fait plus concrètement, échanger avec nous et puis... Voilà, aussi pouvoir s'engager si vous souhaitez. On est toujours en recherche de bénévoles, ça c'est sûr. Puis voilà, partager. L'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert à tous. Donc, tous les ateliers sont gratuits. Et puis, le concert aussi est gratuit. Voilà, donc il suffit juste de venir et puis de passer du bon temps. C'est la première fois que vous organisez un événement grand public de cette ampleur? De cette ampleur, oui. On fait des actions ponctuelles, voilà. Mais de cette ampleur, c'est bien la première fois. Et d'ailleurs, cette année, on a le soutien de la région Grand Est pour cette manifestation. Donc, c'est chouette. Ça a aussi une valeur de reconnaissance dans notre parcours associatif. Donc, voilà, on avait décidé de marquer le coup sur 10 ans. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et en route vers plus d'années encore et plein d'autres actions. J'imagine que vous avez un site internet. Quel est-il? Tout à fait. Le site internet, c'est www.movement, donc movementfrance.com. Et puis, il y a une page vraiment dédiée aussi à cet événement dans nos activités pour tout découvrir en avant-première et être sûr que vous trouverez votre bonheur sur place. Voilà, les réseaux sociaux également, on peut vous retrouver? Tout à fait, sur la page Facebook Movement France ou Instagram aussi. Et puis, on a une seconde page P3 Plastique. Projet Pochette sur Facebook avec la création d'un événement pour cette journée aussi. Merci Gaëlle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'association, pour cette journée du 24 mai et pour tout? Eh bien, une belle affluence, on est en milieu rural, donc c'est aussi un challenge de faire venir les gens sur ce type de manifestation. Puis le beau temps, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas. Merci Gaëlle. Merci, au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.